T'as-tu pris des résolutions? Ben, j'aime pas prendre des résolutions parce que je sais qu'elles tiendront pas, mais en même temps, c'est le but d'une résolution, c'est... donc je m'en suis donné une. C'est quoi? De faire tout le temps le contraire de ce que je penserais faire. Hein? Tu sais, dans la vie, genre, des fois, aller à l'encontre de ce que j'aurais fait par défaut. Tu comprends ça? Ben, je suis des fois dans la vie, les décisions que je prends sont pas toujours les meilleures. Donc, je me suis dit, fais le contraire des fois. T'sais. Donc là, tu vas faire plus souvent le contraire, non? Attends un peu, je me suis donné la résolution, donc je ferai pas ça. Tu vois comment je fais le contraire de ce que je pensais que j'allais faire? Mathieu Plante. Start ça. Start-moi ça, mon Matt. Bon, start aux pommes. Start... Start-moi ça aux pommes, s'il te plaît. Je te demande de starter-moi ça aux pommes. Parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas démarré notre dactylo. Là. Mm-hmm. Avec les fêtes, je pense que c'est un peu gelé, là. Ben... Il va falloir tirer un petit peu plus sur le fil que d'habitude. Aide-moi, OK? OK. OK, alors on tire sur le... Comment on fait ça? On tire dessus sur le... En sort de sa poignée. Pogne ce bord-là. OK, parfait. OK, oui, cool. OK. OK. Vring, ding, ding. Non, c'est pas de même. C'est le son, c'est quoi le son? Ben, c'est... Ouais, ça avait l'air là, de... On dirait que tu l'as échappé. OK, attendez. Vring, ding, ding, ding, ding, ding. Oh, la blab. Tout à l'heure, on va parler de faits divers, en fait, des choses intéressantes à savoir, des faits véridiques, véritables et vérifiables dans le bloc « C'est un fait ». On va parler, entre autres, un petit bloc spécial sur la boxe. Et on va parler de loup et de Call of Duty Black Ops. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Oh, j'ai hâte de voir les faits que tu vas nous sortir là-dessus. Ouais. L'effet sonore. Ça m'intrigue. Pardon? Je faisais le son d'un Bambi. Un Bambi. Bambi. Un Bambi. Bambi. Un Bambi. Oui, tu sais c'est quoi? Oui, l'animal? Oui. Un Bambi? D'accord. On reçoit aussi M. Nicolas Ducharme qui va nous parler d'une partie de hockey, je pense, qui se déroule ce soir, des Patriots. Oui, apparemment qu'il y a des bâtons et des rondelles et tout, et tout, et tout. Parfait. Et des joueurs. Là-dedans, deux équipes. On y demandera tantôt. On y demandera, juste pour être sûr. Si on veut voir le palmarès, on peut visiter le www.cfou.ca. Oui, www.cfou.ca. Quoi? www.kfao.ca. Comprends pas. C'est un mot, là. C'est fou. Kfao. C'est à Kfao. Si tu prononces c'est fou en tant qu'un mot, là, ouais. Ça fait Kfao. Kfao. Imagine-le, c'est un mot, là. Lis-le comme si c'était un mot, là. Ouais. Kfao, man. Ouais. Point K. Point K. Bon. Bon. Compris? Oui, j'ai compris. Donc, c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. Je trouve que c'est bien comme plan. C'est un plan. Oh, oui, oui, oui. Rempli de choses, on manque pas d'affaires. Non. Pas supposé. Not missing the affair. No more the affair. You're not missing it! Hey! Run Van 3000. Et les imitations des instruments par François-Olivier. C'est charmant. Yeah! C'est charmant. À la place de marchand, m'a appelé charmant. Oh! Cha-cha-cha. Ça, c'est gentil, mon charmant. Ami. Charmant. Non? Non? Ben, charmant, j'aime ça. Oui, oui. Oui. Mais peut-être pas... chanson, peut-être pas. Non, ouais, c'est ça. ça réfère à un drôle de produit. Mais t'es un gars qui essuie très bien ses dégâts. Écoute, je suis quelqu'un comme ça. T'sais. T'es propre. Ben, faut le dire. Ben oui. On va dire les vraies affaires. Tcha-tcha-tcha, charmant. Rempli cette fois-ci, cette heure qui suit. Hein? Ça va être rempli? L'heure qui suit va être remplie, oui, c'est bien dit. Quand ça rime, c'est encore mieux, je trouve. J'ai essayé, mais de l'échapper. Ah, t'as rimé encore! Oui, c'est charmant. Et vous, M. Plante, à part ça? Ah, ça va. Toi? Ça va bien. Ah, ouais. Ah, OK. Hey. Okay. Mathieu, son char, il y a des lacets, par exemple. Ouais, c'est ça. Ben, c'est... Ouais, il est pas polluant beaucoup. Puis il est pas de l'année non plus. Ça commence à dater. Ah, puis il réussit pas à en trouver un à sa taille. Là, ça a plus vraiment de sens avec les autos, par exemple. C'est vraiment des souliers en ce moment.